Bienvenue dans ce nouvel animé No Melody spécial humour. Je suis avec Yann Cousa pour cette émission. Bonjour Yann Cousa. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous écoutez cette émission. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas ? Alors moi c'est Yann Cousa, je possède une chaîne YouTube où je parle de la culture otak en général, drama, animé, manga, surtout rétro parce que je suis assez rétro dans ce domaine-là. Ça tombe bien, tu es dans une émission un peu rétro aussi, donc là. Ça tombe bien. Et tu parles aussi, je crois que c'est d'être que sur Twitter, de Maid et d'Idol. Ah oui, bah alors ça c'est tout récent. Oui, ouais, c'est pour ça que j'en parle, hein, c'est que j'ai vu ça hier. Donc. Ouais, comme j'aime bien partager de beaux visuels, donc je partage ce concept-là. Donc un soir sur deux, c'est l'Otakuza Maid et l'Otakuza... j'ai oublié le nom. L'Otakuza Idol. Idol. Voilà. Alors, si il faut que je te dise quelles émissions tu fais ou quelles... J'en fais tellement. Très bien. Alors, donc c'est une, comme je l'ai dit tout à l'heure, un spécial humour. Alors, c'est pas un omake, c'est une émission normale d'animé No Melody. Parce que je l'ai décidé, voilà. C'est comme ça. Ah ben, tu es le concepteur. Voilà, spécial juste humour. Et on va parler de trois super séries des années... les années 80 et les années 90. On va parler donc, dans le désordre, de Ranma 1/2. On va parler de High School Kimangumi, qui est en français Yann Cousa. Le collège fou. Voilà. Et le dernier, et non pas des moindres, Slayers, qui est une série des années 90 et qui n'a pas d'autre nom que Slayers, enfin avec des petits rajouts qui ont été faits par les Japonais pour les différentes saisons. Mais on en reparlera plus tard. C'est l'heure de commencer l'émission et on va commencer tout de suite donc avec Ranma 1/2 et son générique français chanté par... Par qui ? Bernard Minet ! Non ! Thank you. Et voilà, c'était donc le générique français, et oui, bien français, de Ranma 1/2, chanté par Bernard Minet. Ah, Bernard. Ce sacré Bernard. Bon, c'est pas lui qui a écrit les paroles, hein, mais... Non, c'est Jean-François Porry. Et Gérard Salès. Et Gérard Salès pour les... Les musiques. Les musiques. Oui, c'est ça, voilà. Tu l'aimes bien ? Ça fait partie de ceux que t'apprécies le plus, parmi tous ceux qui existent chez AB, ou bon ? Oh, ça va, moi j'aime bien, ouais. Les paroles suivent à peu près, collent à l'anime, donc ouais... Ça va, c'est pas trop répétitif à part Ranma, mais ça va. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu peux me raconter sur Ranma 1/2 avec son titre japonais, si tu l'as sous la main ? Alors je veux bien le dire en japonais. Allez, vas-y, essaie, j'essaierai de le reprendre moi aussi, sinon. Alors, on sera deux, allez, je le dirai moi aussi. Le titre japonais, c'est Ranma Anbu no Ishi. Bon, c'est bon, tu l'as dit, j'ai pas besoin de répéter. Voilà. Ah ben, tu vois, on dit un peu tout à tous ceux qui nous écoutent, je suis un peu comme, Bernard, comme Hanouna, on dit tout en public. on est sur une fiche Wikipédia pour les informations, et il y a écrit, dans le texte de l'explication, Ranma Anbu no Ishi. Mais sur la petite vignette à droite, le petit cadre... Il y a écrit Ranma Ninbun Noichi. Ce que moi je connais comme titre. C'est pour ça que ça me fait bizarre. Ouais, mais c'est ça. Non, mais je préfère que c'était le deuxième plutôt. C'est Ranma Ninbun Noichi. Voilà, donc il a dit, je sais pas où, qui a fumé quoi à ce moment-là quand il a écrit. Bon, je te laisse, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Alors, qu'est-ce que je peux raconter sur Ranma 1/2 ? Tout simplement, ça raconte l'histoire de Ranma Saotome et de son père Genma Saotome qui. A promis au père d'Akane Tenno de marier sa fille et, et son fils, et afin d'unir leurs deux écoles d'arts martiaux et poursuivre l'exploitation du Dejo Tendo. Mais la particularité de cet animé, c'est qu'au contact de l'eau froide, eh bien, il change d'apparence. Qui ça ? Bah, Ranma devient une jolie jeune fille rousse, ouais. Avec deux boobs, oui. Si je me permets. Genma, son père, devient un panda. Après, nous avons aussi Shampoo qui arrive un peu plus tard. C'est une jeune fille d'origine chinoise considérée comme Amazon qui s'est battue lors d'une compétition contre Ranma et qui, au contact de l'eau froide, devient une jolie petite chatte. Ni hao, wo ai ni. Et là, mon préféré, c'est Ibiki Ryoga, c'est-à-dire Roland en français, qui est le rival de Ranma qui un jour lui a dansé un duel et qui ne s'est jamais présenté parce que. Il s'est perdu en chemin, il a un problème d'orientation, Ibiki Ryoga. Le souci de Ibiki Ryoga, qui au contact de l'eau froide devient un joli petit porcelet noir, que Akane Tendo Adeline en français adore par-dessus tout. Je vais faire tous les animaux, plus tard. J'aime bien les bruits. Il y a celui qui voit pas aussi, là, qui est amoureux de. Alors, à ce propos, il y a de tellement... la chinoise. La chinoise. Celui qui ne voit rien, qui a des lunettes. Je l'ai pas marqué. J'ai pas marqué dans mon texte. Ah, c'est pas bien ça. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnages dans Ranma 1/2. Il y a toute une. C'est Mousse. Mousse, c'est ça. Il se transforme en canard. Il y a plus tard dans la série, il y a aussi Taro, dit le collant. C'est une créature hybride entre un yeti, un taureau, une grue et une anguille. Et il finit ensuite avec aussi un poulpe à la fin. Alors cette image que tu me décris, je l'ai vue dans un Dorothée magazine, parce qu'à l'époque, ils mettaient des extraits, tu sais, ils avaient une page qui s'appelait ce qui se passe au Japon, tout ça, dans les animés. Ils avaient mis un extrait du manga où justement apparaît ce personnage. Mais je l'ai jamais vu. Je pense pas qu'il apparaît dans l'animé. Non, enfin dans les OAV en fait. Dans les OAV, d'accord. Ouais, dans les OAV et dans le manga, bien entendu. Sinon, on a aussi Akane Tendo, mais elle ne se transforme pas. Mais par contre, elle a un sacré caractère, très violente dans ses réactions dès qu'elle est en colère. Elle a deux sœurs aussi. Ah, alors. Ah Les deux sœurs. Ouais, moi, j'ai mis des Wikipédia. J'ai pas voulu faire trop long non plus, donc. Non, mais bon, alors, en fait, on peut expliquer un tout petit peu. Alors, c'est vrai que les noms, je les ai pas en tête, parce que bon, on parle surtout de musique dans cette émission, donc on prend quelques infos pour vous les donner. Mais c'est vrai qu'on va pas s'épiloguer trop dessus. Mais c'est vrai que, Adeline en français a deux sœurs, ouais, et Kazumi Nabiki. Voilà. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que Kazumi, c'est plutôt. La sœur qui sert de mère aux deux autres sœurs et puis un peu de faire valoir un peu, enfin femme de ménage, tu vois la mère qui manque puisque la mère est morte il y a quelques années, donc elle fait comme si elle était la mère de famille en fait et réagit de la même manière. Et t'as Nabiki qui elle est plus côté très argent, et elle fait tout pour gagner de l'argent en se moquant de tout le monde, en fait, pour toujours avoir plus d'argent. Ah, mais il en faut une hein, dans la famille. Hein. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que si tu cherches un peu des informations, bon, c'est peut-être on les trouve moins, mais c'est que tout est en relation avec le décès de la mère. C'est-à-dire que chacune, en fait, a été plus ou moins, comment expliquer ça, touchée par la mort des parents, de la mère, et du coup, Kazumi, elle, fait le jour de la mère de famille pour s'occuper de ses deux plus petites sœurs. Mm-hmm. Donc, elle est vraiment devenue un peu la mère aimante, hein, c'est ce que je disais. Nabiki pense au destin de la famille parce que c'est un dojo mais désargenté. Oui. Et Akane parce que ils ont jamais eu de fille, de garçon, et du coup, elle joue le garçon manqué tout le ouais, temps. Oui, c'est ça. Parce qu'il manque un garçon dans la famille, celui qui aurait repris le dojo finalement. Mm. Et c'est les caractères qui prédominent dans l'histoire de Ranma 1/2 pour la famille Tendo, c'est vrai. Et c'est des petites choses qu'on sait en cherchant un peu, hein, c'est pas des choses définies qu'on voit dans le manga même carrément. Voilà, bref, c'est un super super manga, c'en est un aussi, un super dessin animé. Très très cool. Il y a eu une série télé donc de 100 combien d'épisodes tu m'as dit ? 161 épisodes. Voilà, il y a eu 12 OAV. Dont les 6 premiers sont sortis chez Kazé en VHS à l'époque, puis après jamais ressorti, d'ailleurs. Non, il est jamais ressorti en VD d'ailleurs. Ça avait été un four en fait à l'époque. Ça a pas marché du tout. C'est comme ça. Ok, Black Box essaye de se dessus. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est une série d'OAV mais qui finit pas la série non plus. C'est pas c'est des histoires qui ont jamais été mises dans le dessin animé qui sont racontées dans les OAV quoi. Avec des personnages qui n'apparaissaient jamais alors qu'ils étaient déjà apparus dans le manga, si tu veux, ils avaient oublié des personnages et ils les ont jamais fait apparaître dans le manga. Donc que dans l'animé, c'est plus des fillers, des hors-séries que voilà. Des histoires inédites quoi. Il y a eu 3 films aussi au total. Mm. Donc 2 films de 1 heure, enfin un de 1h20, le premier qui est une sorte de parodie des Chevaliers du Zodiac avec le fait de monter de niveau en niveau pour atteindre voilà. Oui, ça m'évoque quelque chose, oui. T'as le deuxième film qui est Desert Island, enfin ils sont perdus sur une île déserte, oui, voilà, oui. Qui est assez sympa aussi, qui dure 1 heure, et le dernier qui dure 1 demi-heure, qui est un petit court métrage d'une demi-heure avec le phénix, c'est-à-dire que c'est un phénix qui pond son nid sur la tête des gens. Oui. Voilà, c'est un peu. Mais c'est pas un phénix au départ, c'est une sorte d'énorme poussin qui grossit de plus en plus sur la tête de la personne qui le porte. Mais en le portant, il lui donne une force immense sur sa tête. Il le porte sous sa tête, donc il a une force très puissante. Et bien entendu, Ryoga veut le porter pour battre Ranma. Bah oui, mais évidemment. Hein. Et les autres rivales, bien sûr. Et les autres. Voilà. Bon, bref, on a beaucoup parlé de la série. Ah, mais t'as oublié une adaptation. Ah, j'ai oublié quoi ? Ah, le live peut-être, non ? Ouais, il y a eu un drama japonais, un SP. Que j'ai vu. J'avais récupéré, mais j'ai jamais pu le voir en entier. Ben, j'ai moi, pas... je l'ai vu il y a peut-être 2-3 ans. Il est bien ? Ça va. C'est un drama japonais. Ouais. Ça va, c'est... Il y a des personnages qui ressemblent un peu aux... Enfin, les acteurs se rapprochent un peu des personnages. Ouais. Notamment celui qui joue le père de Akane Tendo. D'accord. Et qu'on retrouve aussi dans Goksen, dans le drama. Enfin bref, après, c'est pour ceux qui connaissent un peu. Mais ouais, ça va, drama japonais, ça se laisse regarder. Voilà, c'est tout ce que je dirais. D'accord. On va passer à la partie musique, puisque l'émission s'appelle Animer nos mélodies, tout simplement. Un peu de son. Un peu de son. Alors, il faut savoir que vu que c'est une série qui est assez longue, 161 épisodes, il y a eu, on va dire, pas mal de génériques, d'opening et de ending. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se consacrer aux openings, puisqu'ils sont beaucoup plus parlants et plus dynamiques, pour la plupart. Et on va mettre des petits extraits de chacun. Il y en a quand même de mémoire, je crois qu'il y en a une... Il y en a un certain nombre, je ne l'ai plus en tête. C'est pas bien de ma part, on n'a pas super bien, bien préparé. Enfin, c'est une première, c'est une première. Donc il va y avoir quelques génériques d'opening, donc de Ranma 1/2, et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ranma ranma de nanda kan Et voilà, vous venez donc d'écouter quelques extraits des openings de Ranma 1/2 qui sont vraiment sympas, n'est-ce pas? Ouais, y a papa, il shine ten. Ah, excellent. On s'arrête là. Hein. D'ailleurs, c'est qui la chanteuse? Bonne question. Ah, une colle. Ah ouais, là, une petite colle là, parce que je l'ai lu et je l'ai pas retenu parce qu'elle a un nom un peu accouché dehors, comme on dit. C'est pas Noriko Sakai, ça c'est sûr. Ah, tu m'as posé une colle, c'est pas bien, pas en direct. Bah, je sais pas non plus. Hein. Même si... Bon, même si c'est un faux direct, c'est pas bien. La la la, la la la. Par contre, ce que j'ai envie de faire, et là je viens de le décider abruptement pour chers auditeurs, c'est que la chanson de fin que je mettrai, c'est la chanson de Ryoga, qu'on entend dans un des albums vocaux de Ranma 1/2, qui essaie de dire qu'il aime à Akane, donc à Adeline, qu'il l'aime tout simplement, à partir d'une chanson à la guitare. Et c'est une chanson assez drôle, je dois dire, quand on l'écoute. Voilà. Donc ça, on l'écoutera tout à l'heure. Donc là, maintenant, tout de suite... Je peux revenir là-dessus. Ouais. Oui. Et c'est le doubleur qui le fait, le Seiyuu. Ah oui, oui. D'accord. Ok. Franchement, puisqu'on est là pour parler de musique, on va parler un peu des albums de vocaux aussi qui accompagnent donc la série, qui ont accompagné la série. Et je dois dire que c'est vrai que, ayant connu beaucoup la série télé, puisque je l'ai regardée à l'époque. Dans le club Dorothée. Dans le club Dorothée, bon, c'est une chose, on connaît les personnages animés. Après, on a eu les versions sous-titrées chez Kaze, qui a permis, pour moi surtout, et aussi en copie pirate VHS des films à l'époque. Ah, qui ne l'a pas fait. Ah oui, mais ils n'étaient pas encore sortis en France, en fait, surtout, c'est pour ça. Donc, à l'époque, hein, si je peux te dire, c'était du piratage fait par des Norvégiens sous-titrés en anglais, je m'en souviens. Oui, mais au moins, on n'était pas embêtés, là. Arctic Fansub, cette fois, je me rappelle même de ça, Arctic Fansub. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc, c'était rigolo d'entendre ces voix-là, qui sont super drôles, d'entendre le vrai du panda. Voilà, des petites choses comme ça qui sont super drôles. Et on les retrouve, en fait, dans les CD vocaux. Parce que les CD vocaux sont, pour la plupart, des dramas humoristiques. Mais comme on connaît tellement bien les personnages, qu'on arrive à pas forcément à comprendre tout ce qui se passe, mais comme on connaît bien les personnages, on comprend la situation. Donc, par exemple, il y a des épisodes où, en fait, comment il s'appelle ? Il y a Azusa, qui est, on va dire, un personnage féminin qui adore tous les objets qu'elle rencontre, qui lui donne un petit nom. D'accord. Donc elle va appeler le panda Marie-Antoinette. Ah oui, d'accord. Voilà. Et t'as le beau gosse qui, normalement, on va dire son partenaire sur glace, parce qu'ils font du patin à glace. Ah, ça y est, je vois qui voilà, c'est. Tu vois qui c'est, qui lui joue le beau gosse, mais il s'énerve très très vite au bout d'un moment. Et ils font un duo ensemble, une chanson ensemble, dans un studio, dont t'entends les bruits du studio, tu vois, avec le micro... Et tu entends que la fille déconne autour de lui, qui en peut plus, et qui l'assomme, et t'entends le bruit qui tombe par terre, bam, avec le gros son qui pète, c'est le bon, et t'entends rien pendant 15 secondes, où c'est que ça, et t'as la musique qui tourne dans le vide, sans la voix, tu sais pas ce qui se passe. Très spécial. Voilà, mais c'est super drôle tout le temps et ça s'écoute vachement bien, franchement. J'en doute pas. Voilà, donc il y a pas mal d'albums, il y a en tout, allez, à peu près une douzaine d'albums de Ranma 1/2. Il y a 3 OST pour la série. D'accord. Donc il y a le premier OST qui est le Ranma Ongaku Dojo. Ensuite, on a le OST Netto Ongakuen. Voilà. Ces D'accord. deux OST là ont été réalisés par Kenji Kawai. Ah, donc Kenji Kawai. Voilà, donc c'est ce que vous entendez actuellement en fond, parce que bien sûr j'ai mis de la musique pendant qu'on parle, et c'est des musiques de Kenji Kawai que l'on retrouve. Alors, qui est Kenji Kawai ? Ah, dis-le nous. Bah, tu connais pas Kenji Kawai ? Si, je connais. Bon, Kenji Kawai, c'est un monsieur qui est né quand même il y a pas mal de temps maintenant, il est bien plus vieux que nous, Il est né en 1957 à Shinagawa, dans le département de Tokyo. Ok. Je sais pas si on dit comme ça. Hein. Moi, sur ma fiche, j'ai Shinagawa, Tokyo. Ou c'est dans, à Tokyo, dans le département de Shinagawa, peut-être. Attends, oh bah, faut le lire comme on pense. Et en fait, il a tout simplement commencé en 1986 avec une œuvre qui s'appelle Cosmos Pink Schnock. Alors, ça ne dit rien. Voilà. On va dire vraiment qu'il a été connu à partir de Devilman. Parce qu'il a composé la musique Devilman, du film de Devilman qui s'appelle The Birth. Mais on connaît surtout Kenji Kawai pour son œuvre sur Pat Labor. Ouais, Pat Labor. Pat Labor, la série. La série télé. Il a fait les films aussi. Les OAV. Les films de Mamoru Oshii. Qui sont sortis chez nous, chez Manga Vidéo. Et il me semble un peu plus tard chez Kaze, je crois. Il est tellement d'éditeurs. Oui, voilà. Super, des fois. Ouais. Donc, on l'a connu à partir de Pat Labor, où là, il a vraiment. C'est là où il a explosé, réellement. Et il a suivi avec Vampire Miu. D'accord, oui. Je sais pas si tu connais Vampire Miu. Oui, Vampire Princess Miu, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Vampire Princess Miu, t'as bien fait de rectifier. De rectifier, merci. Et, pour moi, une de ses plus grandes œuvres musicales. Maison et coucou. Excellent. Si on aime les musiques romantiques, on a que ça sur la plupart des albums qu'on a dessus. Des musiques un peu rigolotes aussi, bien entendu, parce que c'est une série humoristique du même auteur que Ranma 1/2, puisqu'on parle de Ranma 1/2 actuellement. Mm-hmm. Juliette je t'aime, donc en français effectivement. Et moi j'adore la musique, on va dire symphonique, enfin orchestrale, on va dire. Mm-hmm. Et même si c'est vrai que Kenji Kawai travaille beaucoup en studio. Il travaille avec des outils qui essaient de répéter le côté orchestral. Donc, c'est pas forcément avec de vrais orchestres. Il joue de la guitare, il joue de la batterie. Il refait ses instruments-là de lui-même, hein, pas manière informatique, par ordinateur, on va dire. Mais d'autres parties sont plus sur les voix, par exemple, qu'on entend sur certains albums de Blue Seed, puisque c'est aussi lui qui a fait la musique. D'accord. On reconnaît un peu les chœurs qu'on a pu entendre en vrai, par contre, dans la musique de Ghost in the Shell, qu'il a fait aussi. Vous voyez, il a fait quand même pas mal de choses. Hein. Il a énormément composé, Kenji Kawai. Énormément, voire trop, puisque sur 10 albums, on va dire, qui peut sortir sur un an, t'en as 6, on va dire, que tu peux pas mettre à la poubelle, mais qui sont pratiquement les mêmes, musicalement. Ah, voilà, il n'y a pas de création, c'est vraiment le fond de commerce. C'est vraiment pour faire de la musique en fond, même si elle est très sympa. Donc on va dire, c'est pour quelqu'un qui veut découvrir juste Kenji Kawai, il achète un des albums quelconques, il a à peu près la même chose partout. Ou alors s'il veut vraiment que du culte, il faut aller sur du Juliette Je T'aime, donc Maison et Coucou, sur du Pat Labor, même si on n'est pas obligé d'acheter tous les albums de Pat Labor, parce qu'il y en a une tripotée, et les musiques sont pratiquement les mêmes. Voilà, ça se différencie pas trop entre les différents albums. Ranma 1/2, qui sont pour moi la série culte avec Maison et Coucou à écouter. Vraiment, musicalement, c'est vraiment chouette. C'est des morceaux de piano magnifiques que j'adore qui sont dedans. Et que vous allez écouter aussi dans quelques instants. Et voilà. Donc, Kenji Kawai s'est occupé des deux premières saisons. D'accord. Après, il s'est occupé quand même des différents albums qui ont pu sortir. Les vocaux, surtout. Les trucs drama, les trucs rigolos. Et qui ont pu sortir en CD. Et ensuite, il a laissé la main à. À Akihisa Matsura. Alors, c'est un arrangeur. C'est plus un arrangeur. C'est vrai que si on regarde un peu son travail durant, on va dire, depuis 1985, il en a composé. Je n'ai même pas trouvé que ce soit réellement de composition. Il a été surtout arrangeur pour des chansons, des génériques, des openings, des chansons. Voilà. C'est vrai qu'il a fait quand même un digital trip de synthétiseur fantasy d'un dessin animé qui s'appelle Family O. Alors ça ne dit pas grand chose à personne effectivement, parce que c'est une série qui n'est jamais passée en France. Elle est passée en Italie, mais elle s'en est pas occupée. Ah, les Italiens. Et ouais. Ah, ils ont de la chance les Italiens. On avait tout, mais les Italiens, ils en ont eu beaucoup plus que nous en fait. Ah, ça c'est clair, oui, ça je le confirme. Et peut-être avec une meilleure traduction, mais en même temps plus de coupes à mon avis. Ah oui, bah oui, après. Et il a aussi fait des chansons pour Fairy Tail. Il est dans une liste en fait de titres appartenant à Fairy Tail, donc il a arrangé aussi des chansons chez eux. Comme ça parlera aux jeunes auditeurs. Voilà. S'écoute. Alors en fait, c'est le troisième album de musique OST qu'on peut trouver sur Anna 1/2, et franchement, c'est pas le meilleur. Il y a des thèmes très sympas dedans, mais comme il dure très longtemps, c'est un album qui dure 50-60 minutes, hein, à peu près. Il est assez long, cet album. Musicalement, c'est pas mon préféré. C'est très synthé. Il y a des musiques un peu orchestrales par moment, et vraiment très bien. Mais sur la balance, tu vois, c'est sur ah putain, quand même, fait chier, je me suis acheté ce CD, je vais pas l'écouter souvent, tu vois. Voilà, oui, c'est comme... un peu dommage. Oui. Et donc voilà, donc c'est un compositeur que j'aime moyen. Et il a aussi fait la musique du deuxième film de Ranma 1/2. D'accord. Qui elle est beaucoup mieux, bizarrement. Quel est le titre du deuxième film de Ranma 1/2? Ah, ça c'est pas bien ça. Alors ça c'est pas bien du tout, c'est pas gentil. Je ne sais pas le titre. Ah, le deuxième film. Mince, bah c'est... attention, les filles chaudes, les filles en maillot de bain. C'est sur l'île déserte alors. Oui, c'est sur l'île déserte. C'est ça. Attends, je vais te le retrouver, je vais pas me laisser faire. on va couper. non, je blague. Blablabla, je cherche en fait dans ma liste. Mais je vais pas le trouver, je le sens. Alors moi j'ai le titre en français, c'est Rendez-nous nos copines. Bah voilà, bah écoute, il y avait un truc comme ça, je savais bien, les copines. Et t'as pas le titre du premier film par hasard? Le titre du premier film? Ouais. C'est La Grande Bataille de Chine. D'accord, bon, eh ben ouais. On a eu quelques informations quand même. Voilà. Donc, on va écouter les musiques de Ranma 1/2, composées par Kenji Kawai et Akihisa Matsura. Donc, on va quand même écouter même ses musiques à lui, mais je vais choisir bien entendu les meilleures. Et on se retrouve juste après avec le deuxième dessin animé. Et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ranma. 無差別格闘 Saotome-ryu Ranma. 話せ! シャー! 剣道道場の Akane-chan. ちょっと何よ! 2人は親同士が決めた言い名付け勝手に決めるなよ迷惑だわそして乱馬くんには悩みの種何すんで水をかぶると女の子になっちゃうんです Et nous allons parler d'une deuxième œuvre qui date des années 90. C'est une série culte pour beaucoup, c'est Slayers. Et voilà, vous venez d'entendre le premier opening de Slayers, il se nomme Get Along, et ça est chanté par Megumi Hayashibara, qui est aussi la doubleuse de... de qui déjà Rey dans Evangelion. Presque, oui. Evangelion. Et oui, mais non, là on n'est pas dans Rey, ni dans Evangelion, on n'est pas dans Evangelion, enfin dans Rey, on n'est pas dans Rey, oui. Et Elle fait la voix de Lina Anverse, mon sang. Ah, mais c'est ce que je voulais dire. Eh ben oui. Alors dis-moi, parle-moi un petit peu Slayers. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette série de merde? Série de merde? Ah bon. Non, moi, je l'ai pas vu. Personnellement, je l'ai pas vu. Mais j'ai fait mon taf. Bon, alors. Ah bah, à la base, c'est 53 romans illustrés de Hajime Kanzaka. Qui s'est vu adapté sur plusieurs supports, en manga, jeux vidéo, films d'animation. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'animé. Bon jeu. Très bon jeu sur Saturne. Ah, pas joué non plus, hein, je suis pas très... Donc, ça a été produit en 95. Pour la première série, il y a 26 épisodes, parce qu'il y a plusieurs saisons. Ouais. En total. Et donc, ça a été produit par le studio JC Staff. Je crois qu'eux, ils ont fait Olivier Tom. Oula, alors là... La première série, je crois, oui. Ah, si tu es là, je suis pas... J'en sais rien du tout, en fait. On va rectifier pour ceux qui écoutent le podcast. Hein. Mais normalement, c'est ce que j'ai relevé. Et on a eu la chance de le voir diffusé en France sur la chaîne Manga en 2005, et puis sur NT1 et AB1, deux chaînes du groupe AB, quoi. D'accord. Et puis surtout, en priorité, c'était en DVD chez Déclic Images. Déclic Images, tout à fait. Tout d'abord en VHS, dans les années 90. Ah, c'est vieux, ça. Ouais, ouais. Et puis ensuite, en DVD, en coffret collector... il faut savoir qu'on a eu juste les trois premières séries, enfin juste, il n'y avait que les trois séries qui existaient à l'époque, c'est-à-dire Slayers, Slayer Next et ouais. Slayer Try. Voilà, il y a aussi des OAV, des films, il y avait quasiment un film par an. Ah, par contre, il y a eu Slayer Revolution, mais cette fois par Black Bones, l'éditeur. Ouais, je voulais pas en parler immédiatement, mais oui. Et non, mais parce que c'est arrivé plus tard, c'est pour ça que je l'ai pas. Je parlais, oui, c'est 2008, ouais. Oui. Voilà, c'est 2008 en série, mais c'est arrivé plus tard en France. Et le problème, c'est qu'en France, on a eu que la première partie, c'est-à-dire Révolution et pas Évolution-R, qui est la deuxième partie. Oui, oui, oui. Malheureusement, oui, parce que la série, a priori, elle a dû très mal se vendre. J'imagine, en tout cas, puisque je vois pas de raison de pas nous sortir la fin quand même, ce qui est un comble. Alors, il y en a tellement des séries qu'il n'y a pas de fin. Oui, non, mais bon, c'est quand même, enfin, sur une sortie française, c'est quand même un peu long, un peu grave pour les acheteurs, on va dire, je trouve. Ah bah, qui c'est qui le fait pas dans le manga? Après, ils vont dire qu'on va voir sur internet ce qui se passe. Ah oui, ouais, après ils vont se plaindre, c'est sûr. Oui. Et ça reste une très bonne série, c'est effectivement, parce qu'il faut savoir que les trois premières séries, donc datent des années 90. et avait un budget assez serré. Et du coup, l'animation était assez réduite. Non pas que c'était pas intéressant, parce qu'ils avaient réussi à des compromis qu'on faisait déjà dans les années 70 et les 90, c'est-à-dire qu'on faisait des plans serrés qui bougeaient avec des explosions, par exemple, pour donner l'action, un effet d'action. Et c'était ça se suit très bien comme ça aussi. Donc, c'est le côté un peu rétro du dessin animé qui avait pas un énorme budget, malgré le succès. Et bon, si t'as du succès avec peu de budget, bah, tu t'emmerdes pas trop. Hein. Tu fais un budget réduit. Heureusement pour nous, cette série-là dont on parle, qui s'appelle Révolution et Évolution R, est arrivée à une époque où ce qu'on faisait avant en termes de budget réduit, le budget réduit des années 2000 n'est pas le même que de l'époque. Donc du coup, tu t'es retrouvé avec une bonne animation quand même, et sans ces plans un peu, on va dire, fixes, pour donner des actions, des plans fixes qui bougent, avec des traits qui signifient, qui donnent de l'action, qu'on saute parce qu'il y a une explosion qui se fait juste derrière toi. Et ça reste un plan serré qui bouge. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, bah les cellulos, quoi. Enfin, voilà. À l'époque, c'était ça. Donc, bref, c'est une série super intéressante qui oscille entre l'humour et le drame. Et le vrai drame, et le vrai et le bon drame, ce qui fait que tu passes à un agréable moment, même si l'humour est un peu lourd parfois. Et on passe à vraiment un grand moment. Tu as parlé de l'histoire ou pas encore? Non, pas encore. Non, j'ai pas parlé de l'histoire. Moi, je te fais confiance pour comme quoi t'as bien aimé, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Je le répète. Je suis très fan, mais je suis pas quelqu'un qui a les noms en tête. Donc, j'ai une mémoire à court terme. Eh bien, l'histoire, ça raconte l'histoire de Lina Inverse, qui est une puissante sorcière de 15 ans et qui se définit comme une sorcière de génie et qui pratique la magie noire. Et son but, c'est d'amasser le plus de richesses possible. Elle va croiser sur son chemin un certain Goury Gabriev, un jeune homme simplet qui détient l'épée de lumière et qui décide de prendre sous son aide Lina Inverse, car il la considère comme une gamine avec une petite poitrine. Ils seront rejoints plus tard par Zelgadis, c'est un guerrier transformé en chimère qui voudrait retrouver son corps d'humain en fait. Voilà, c'est le premier un ennemi au début et puis qui se transforme en ami. Après, nous avons Amelia qui est une héritière du royaume qui se prend pour une justicière. Oui, ça c'est le cas. Et Sylphil, alors j'espère que j'ai bien le bon nom, parce qu'il y avait deux orthographes différentes selon mes sources, qui est une amie d'enfance de Goury qui pratique au contraire de Lina Inverse la magie blanche. Il faut savoir, c'est que Zelda, tu parlais de Zelgadis tout à l'heure, c'est en fait le Vegeta qu'on retrouve dans Dragon Ball Z, mais dans Slayer. C'est le même un peu bourru, mais qui aide. On va dire, enfin, le Vegeta de après la période Freezer. C'est bon ça. C'est un personnage qui est très apprécié des femmes en général dans les doujinshi compagnie aussi avec Goury. Ah oui, là j'ai une photo. Exact. Ah oui. D'accord. Bon ce que je peux dire sur l'histoire. Super. Et écoutez, on se retrouve juste après un deuxième opening de Slayers, celui de la série Next. Et c'était le deuxième opening de Slayers, de la partie Slayers Next, et qui se nomme Give a Reason. Et l'interprète, c'est toujours Megumi Hayashibara. Ah, c'est cool ça. Alors, on va parler un tout petit peu de la musique. Un tout petit peu, même un petit peu, quand même, pas bien. Et il faut savoir que pour l'album, alors j'ai sorti mes CD, hein, je dois vous avouer. J'ai sorti tous les CD de Slayers que je possède. J'en ai même mis un de côté parce que c'est celui d'un des films, et donc c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. En fait, j'ai combien de CD de Slayers ? J'en ai 3. Alors, enfin, il faut savoir, pour la première série de Slayers, qui s'appelle Slayers, il y a donc 2 CD, qui se nomment Slayers Excellent. La musique Excellent, oui. Excellent. Excellent. Excellent 1 et Excellent 2. La musique a été composée par un monsieur qui se nomme Osamu Tezuka. Alors, j'entends loin, j'entends loin, couige, qu'espère-je ? Qu'est-ce que. Fait de la musique aussi ? Oui, voilà. C'est quoi cette information bidon qu'on me sort, Osamu Tezuka ? C'est un homonyme. Mais oui, mais c'est pas un mangaka, je comprends plus, je sais plus qui je suis, mais où vais-je ? Bon, bref, toutes les questions qu'on peut se poser. Et non, c'est justement, effectivement, c'est un homonyme et il s'écrit vraiment comme Tezuka. Oh, c'est Osamu Tezuka. Ah bah oui, bah, si c'est vraiment son nom, il va pas le changer. Hein. Ah bah non, ça va porter à confusion. Et on retrouve Osamu Tezuka, en fait, dans la plupart des œuvres, on va dire, tirées du même écrivain de Hajime Kanzaka. Mm-hmm. Puisque, en fait, c'est aussi lui qui fait la musique de Lost Universe. Donc, il y a 2 CD pour la partie Slayers. Pour la partie Next, que j'adore, parce que c'est là la seule partie de Slayers où la relation entre Guri et Lina sont vraiment développées. D'accord. Ou un retournement de situation dans le dernier épisode. Il compte, cette série aussi compte 26 épisodes, pour info. Ouais, chaque série fait 26 de mémoire. Oui. Et les trois premières. Oui. Et la quatrième aussi, puisque c'est en 2 parties, mais ça fait 26 épisodes au global. Oui, c'est ça. Finalement. Pour Slayers Next, on a 3 CD qui s'appellent Sound Bible 1, 2 et 3. Et toujours écrit par Osamu Tezuka, hein, pour toutes les séries. Oh, ça fait bizarre quand j'entends ça. Je sais, ouais. Et pareil pour Slayers Try, qui est la troisième donc, série, qui se nomme Treasury BGM 1 et 2. Et un dernier CD qui s'appelle Treasury Vox. Parce que là, on a plus des chansons, en fait. D'accord. C'est un album de chansons, en fait, voilà. Par les Seiyuu ? Par les Seiyuu, bien entendu, tout à d'accord. fait. D'accord. Et okay. par Megumi Hayashibara, qui est une Seiyuu, mais en même temps une chanteuse, finalement. Donc... Oui. Et il faut savoir qu'il y a quelques dramas, aussi. Ah. Et c'est comme pour Anne Main Demi, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on a vu la série, qu'on a tellement apprécié la série, on n'a pas besoin de trop de comprendre ce qui se passe. Tu rigoles à ce que tu entends. Tu imagines ce que tu crois comprendre et c'est aussi bien. C'est les séries que tu sais que tu connais tellement bien finalement, parce que même si tu l'as vu qu'une fois, mais t'as eu 3 saisons quand même pour toi t'attacher aux personnages, les comprendre, les apprécier. Mm-hmm. Oui. Que tu accroches directement au drama que tu entends dans le CD. Et ce sont des petits dramas, hein, c'est pas des dramas de 20 minutes. Hein. Oui. Et tu apprécies pas un drama qui. Moi j'ai acheté des CD où il y avait 70 minutes de drama, au secours. Mais. c'est long, oui, c'est très long. Ah ouais, mais je me suis fait avoir parfois dans des achats de CD, oui. Ah oui, quand c'est écrit en japonais, c'est sûr, c'est pas parfois, facile. Parfois ça trompe énormément, comme l'éléphant. Et. t'as vu, j'ai plein de réparties. Oui, je vois. Assez oldies aussi. Ah bah qui n'en a pas. Moi ça voilà. viendra, hein, ça viendra. Et Osamu Tezuka, alors. Osamu Tezuka, il a écrit quand même aussi pas mal de musique. Bon, après, il faut connaître les séries. Les Azakuzuki Nchacha, par exemple, Shadow Skill, aussi. Ah, ça me dit quelque chose, ça, c'est pas un jeu vidéo à la base. Je crois, mais c'est aussi un manga et un dessin animé, donc après, tu choisis. Mmh. Master of Mosquiton. Ah oui, ça c'est de Horozawa, ça, c'est... non Non plus, non. C'est une série un peu graphiquement qui ressemble un peu à Slayers, aussi, dans l'esprit. C'est Master Kitten, c'est ça pour ce que tu me dis, oui. Mais là, c'est Masters of Mosquiton. Ah non, oui, j'ai compris. Excuse-moi, j'ai compris. Non, c'est un type habillé en rouge. J'ai juste l'image en tête, mais... D'accord. C'est assez ancien. Il a aussi composé la musique de Nadeshiko. C'est une série SF qui avait vachement cartonné dans les années 90. Et là, je parle, il a fait la musique du film The Prince of Darkness, qui est sorti d'ailleurs chez Dybex. Alors, ce qui est marrant, c'est que chez Dybex, ils ont sorti le film, mais ils n'ont pas sorti la série télé. Donc, tu peux pas comprendre. Puisque ça se passe après la série télé, 5 ans après, et en plus les personnages meurent, enfin bref, tu sais pas ce qui s'est passé avant. Et bon, je parle un peu, mais en gros, t'as la série télé, t'as oui. le jeu vidéo sur Saturne qui faisait suite à la série télé, et le film fait suite à ce qui s'est passé sur Saturne. La logique. Logique. Voilà, donc c'est un film fait pour les Japonais, on va dire, voilà. Ah bah oui, ça. Même si le film est sympa, je l'ai vu, mais bon, voilà. Quand tu connais pas trop l'univers, c'est un peu compliqué de s'approcher. Il a aussi arrangé, une des chansons de J.S. Mikami, qui est graphiquement, qui ressemble d'ailleurs beaucoup aussi à Lina Universe, enfin à Slayers, je veux dire, qui est une sorcière. Bon, bref, on s'en fout. Et puis bon, et finalement, depuis 2013, il a composé. Alors ça, je ne connais pas. Je dis juste le titre parce que voilà, je l'ai sous la main. Nami Uchigiwa no Murami San. Ah oui, voilà. Ça, excuse-moi, ça me revient. C'est une série humoristique avec une sirène avec, et ses copines sirènes qui se moquent des humains. Tout un programme. C'était assez rigolo. Je l'ai vu. C'est plutôt court. Je crois des épisodes qui font 10 minutes, d'autres ils en font 15, d'autres ils en font 20. Sincèrement, et c'est assez marrant. Voilà. Bref, il a fait des musiques très différentes des uns des autres. Comment peut-on qualifier sa musique? Entre le synthé, parfois il y a des synthés qui sont pas top, mais dès qu'il est dans le symphonique, surtout pour les films d'ailleurs, pour les films il les a pas fait, excuse-moi, je dis une bêtise, mais même dans la partie de toute façon de la série télé, les musiques sont vraiment magnifiques. Dès qu'on est, on sort un peu du synthé, qu'il a les moyens d'avoir un orchestre, c'est la composition, elle détonne, les morceaux sont excellents. On est transporté, quoi. Excellent, comme les deux premiers CD donc de Slayers, qu'on va écouter tout de suite. On va écouter quelques extraits donc des trois albums, des trois séries, finalement. Alors, c'est un peu compliqué à choisir, sinon on en a pour deux heures d'écoute, bien entendu. Donc j'ai fait au mieux pour vous donner les thèmes les plus sympas. Un florilège, merde. Oh, encore un mot ancien. Et, on se retrouve juste après avec le dernier dessin animé dont on va parler, qui est... Le collège fou. On se croirait dans le Club Dorothée, là. Oui. Allez, à tout de suite. We'll be right back. Thank you.

Ah, mais moi, en 2015. Moi, c'est ce qu'on m'a donné. Ah, je l'ai vu, hein, parce que j'ai découvert Énorme TV cette année, en 2015, du coup. Je crois que c'était en septembre que j'ai commencé à regarder un petit peu. C'était à midi, entre midi et 13h30. À midi 30, même, exactement. D'accord, bah... Ils ont rediffusé, quoi. Voilà. Oui, ils ont rediffusé. De toute façon, c'est assez rediffusé. Donc, les épisodes font en moyenne 25 minutes. Et ça nous raconte, en fait, l'histoire complètement barrée, invraisemblable et de non-sens d'une bande de collégiens qui se font appeler les Kimingomi, en VO, et traduit en France par la bande des joyeux Loufoques. Et qui sont constitués de 5 personnages qui possèdent tous un caractère... Oui, ouais, peut-être pour certains. En fait, ils ont tous une caractéristique. Notamment Reishido, le chef de bande, qui est le plus stupide de la bande, en fait. Et qui, la moindre situation, peut devenir un terrain de jeu pour lui. Il y a son meilleur pote, Ted. Vous savez, celui-là qui est un peu poilu sur le torse. Ah ouais, franchement, je te coupe. Et moi, j'ai un épisode où je pleurais de rire. Je les ai revus, tu sais, bon, à l'époque, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait rien. Et je les avais revus, tu sais, en fichier Reel Player. Donc, toi, le petit carré pourri. Oui. Et en épisode. Et j'étais tombé sur l'épisode à la piscine. Oui, ça me. J'en pouvais plus, je te jure, j'étais par terre, je pleurais de rire, je pouvais plus, pendant 10 minutes, j'ai pas pu après. C'est quand en fait, il a fait l'araignée d'eau avec ses poils pour pouvoir marcher sur l'eau. Donc là, j'étais, mais j'en pouvais plus. S'il faisait du surplace en mettant ses mains en avant pour avancer, zou, zou, ça, il avançait comme une araignée d'eau sur l'eau. J'étais plié, je pleurais, c'était incroyable. Voilà, c'était l'anecdote un peu foireuse de ma part. Vas-y, continue. Donc Ted, c'est le perso qui a les gros sourcils aussi. Donc il a du poil sur le torse, il a les gros sourcils. Et puis c'est un fan de catch et d'alcool, surtout de saké. Très alcoolique. Alcoolisé. Je sais plus si il avait changé le terme en version française comme ils avaient fait pour Juliette Je T'aime, non? Je crois qu'ils n'ont jamais nommé ce qu'ils buvaient exactement. D'accord. En fait. Après, on a Jin Daima qui est l'estomac sur pattes. Qui est deux choses qu'il aime dans la vie, c'est dormir et manger. Bah, c'est bien. Ses parents, ils tiennent une petite boulangerie, une pâtisserie, donc c'est tout à fait correct pour lui, ça. Ah oui, c'est en adéquation. Voilà. Après, il vient Jeannot, vous savez, celui qui a les grandes dents et qui est un peu vicieux. Jeannot Lapin, les dents, voilà. Et qui aime bien soulever les jupes des filles et se regarder des revues et des films adultes. Ah, il en faut toujours un dans une bande. Hein. Les érotomanes. Je sais pas si c'est le terme, c'est pas grave. Je sais pas, je suis pas sûr de la définition. Érotomanes, érotophiles. Je sais pas. Et le cinquième de la bande, ou devrais-je dire la cinquième, on sait pas. C'est Dan, qui se prend pour une jeune fille qui aime écrire des poèmes et qui aime prendre 3 douches par jour. Et toute cette bande est suivie par 2 jeunes filles. On a Julie, qui est un peu... un sacré caractère, très susceptible et qui a tendance à s'énerver très très très vite. Et nous avons Laura, un peu l'élève studieuse par excellence. Et il y a d'autres bandes dans cet animé. Il y a les Bourreaux des Cœurs. Ouais. Le nom parle de lui-même. Les costauds, pareil, le nom parle de lui-même. Ils nous parlent des années 80, hein, faut dire. Ah non, c'est les costauds, non, c'est pas eux, excuse-moi, je me suis confondu. Les bons samaritains, voilà. Où son nom chef de bande, c'est Guy. Dans la voilà, c'est ça. Et ce collège foufoufou ne serait rien sans ses professeurs, on est d'accord. Aussi barrés que les élèves. Voilà, c'est ce que j'allais dire, sont tout aussi barrés. On a Mademoiselle Hilary, qui elle est leur professeur principal, qui... Lorsqu'elle s'énerve, elle devient Hilary Kong. En fait, il y a sa tête qui reste, mais le corps, c'est King Kong. Après, nous avons Monsieur Jida, vous savez, le prof de sport, et qui ressemble à Ken le survivant. Et qui est amoureux de Madame Hilary. Mademoiselle Hilary. C'est pas Mademoiselle Macaron. La professeure d'anglais. Parce que moi, c'est ce que j'ai sur mes notes. Non, t'as raison, parce qu'il y a eu 2 professeurs de sport. Hein. Il y a eu le premier. Exactement. Je l'ai pas nommé. D'accord, ouais, excuse-moi. C'est ça, oui. Jida, oui, ça y est, excuse-moi. Jida, c'est sûr qu'il ressemble à Ken le survivant. Oui. Et puis, bah, Mademoiselle Macaron, qui est prof d'anglais, qui se trouve être très naïve et qui est amoureuse de Monsieur Jida. Donc, voilà. Jida, qui porte des tongs à la japonaise. Oui. Je sais plus comment on appelle ça, mais les claqués, là. Ah, c'est des... c'est quoi le nom? Ah, là. Les claquettes japonaises, on va dire. Ah, c'est fou quand ça ne vient pas sur le moment, c'est hallucinant. Ah, voilà. Mais on va oublier, sinon on n'avance pas. Donc c'est un animé qui est composé de 86 épisodes. Ils ont tous été diffusés en France, je crois. Non. Ah, non, il y a un épisode qui n'avait pas été traduit à l'époque, mais qui a été fait récemment. Il n'y a pas très longtemps, je crois, qu'ils ont refait, quand ils ont diffusé sur la chaîne manga. Ouais, tout à fait, ouais. Donc c'était produit par le studio NAS et le studio Comet, à qui on leur doit aussi l'adaptation du manga School Rumble. Et il faut dire qu'il y a eu aussi un film. Oui, un film. Mais jamais vu. moi non plus. Je ne sais pas si c'est après, avant, pendant, je ne sais pas. On sait qu'il y a un film, mais on ne sait pas. D'où la fameuse rumeur qui a couru pendant 20 ans et qui a été défaite, où on disait qu'en fait, le film était la fin de la série et non pas un milieu, et qui en fait se passait en live à la fin pour finir la série. C'est-à-dire que dans la manga, bon, si je raconte la fin, c'est un peu dommage, mais le manga a une fin. Spoiler, attention, passé de 5 minutes, non, pas un peu moins de 5 minutes. Et en fait, on sait que le manga se termine sur le fait que... juste, redonne-moi le nom des jeunes filles, j'ai oublié. Donc Laura se réveille. Voilà, excuse-moi. C'était et en fait, rêve. Tout ça n'était qu'un rêve pour s'échapper de la dureté scolaire japonaise, tout simplement. Mais en fait, on voit dans le manga qu'il y a une ombre qui s'avance, qui est l'ombre de Rei. Oui, c'est ça, oui. Et c'est une partie qui a été refaite uniquement dans la version volume du manga, puisque c'était pas comme ça au départ, c'était vraiment qu'un rêve point barre. Et il a décidé de faire autrement sur la version reliée. L'auteur Motoei Shinzawa, qui est son nom. Oui, il l'a refait, apparemment, à l'époque, ça a dû gueuler. Il l'a refait une fin. T'as pas aimé, ouais. Et donc, la rumeur qui courait à l'époque, c'est que c'était la même chose en film, mais que c'était en fait des vraies japonaises, des vraies lycéennes qui avaient rêvé de la série Kumen Gumi, en gros. Voilà. La rumeur de l'époque. Voilà. Maintenant, ça a été, je crois, défait, donc on peut penser que c'est peut-être un film pendant la série qui a été réalisée, tu sais, comme des petits courts-métrages de 30 minutes peut-être, qui diffusent des fois en salle avant un autre film. On n'en sait rien, on n'a aucune info sur ce film, et c'est bizarre d'ailleurs qu'on ait aucune info, mais bon, c'est le cas. Voilà ce que je peux dire sur le collège Fufufu High School Kumen Gumi. Qu'on pourrait traduire par... en fait, les Kimangomi, donc la traduction, apparemment, ça serait les faces marrantes, un truc comme ça. C'est ça le nom, en fait. C'est pas la face obscure des Japonais, non? C'est pas ça. Non, je pense pas que c'est ce côté-là. Très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve après quelques extraits des différents openings de la série. Et il y en a eu un paquet comme les endings. Comme quoi, c'est quand les séries sont dites fleuves, durent longtemps, on en produit plein. Et on se retrouve juste après, comme... tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Thank you. Et voilà, vous venez d'entendre quelques génériques, quelques extraits des openings donc de High School Kimengumi dans sa version japonaise. On parle donc du collège Foufoufou dans sa version française. Et nous allons maintenant nous attarder sur le compositeur de la musique de la série du collège Foufoufou, qui est très connu. Alors si peu se rappellent de la musique, en fait la musique a été composée par un monsieur qui se nomme Shunsuke Kikuchi. Et Shunsuke Kikuchi, c'est un monsieur quand même qui a un certain âge. Tu as l'âge exact, il me semble, tu me l'as dit tout à l'heure. Il a 84 ans. 84 ans et il est né en 1931 quand même. Hein. Oui. Donc ça lui fait quelques années. Ah oui. Mais c'est surtout les deux gros titres les plus connus pour ce monsieur, c'est Goldorak. Ah oui, Goldorak. Goldorak, on va dire dans l'ordre hein, chronologique. Oui, Goldorak. Là, je parle surtout pour les Français ou l'Européen, voilà. Goldorak, donc c'est lui qui a composé la musique, la fabuleuse musique de Goldorak, mais aussi la musique incroyable de Dragon Ball et Dragon Ball Zeto. Donc, c'est un petit animé pas très très connu. Pas très connu effectivement, avec un très beau design. Ça a pas très marché à l'époque. Donc voilà, je pense que normalement, si vous écoutez cette émission, cette fois-ci, vous avez dans votre tête la musique de la série, de Dragon Ball surtout, on va dire. Donc vous savez, si vous avez plus de 40 ans, vous connaissez aussi la musique de Goldorak. Donc vous êtes dans les mains, vous savez à quoi ressemble la musique de Shunsuke Kikuchi, puisque finalement, les thèmes se ressemblent plus ou moins tout de même. J'avoue, c'est vrai. Mais il faut dire aussi quand même que la musique du collège Foufoufou, ressemble beaucoup plus finalement à Dr. Slump, puisque c'était aussi une série humoristique dont il a aussi composé la musique. Donc on est sur une musique vraiment bien, typiquement Kikuchi-esque, comme on pourrait dire. Joli mot. Et donc c'est-à-dire beaucoup de comment dire, du violon, de la guitare électrique souvent, beaucoup de tambours pour donner un peu de profondeur aux actions quand il y en a, même dans le collège Foufoufou, des musiques bizarroïdes aussi. Oui. Pour l'humour, on va dire. On reconnaît vraiment le style, il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Donc on peut surtout dire que voilà, c'est un très très grand compositeur qu'on a connu sur diverses œuvres. Donc en France, comme je l'ai dit à l'instant, Goldorak, Dr. Slump, même il a été diffusé en France dans le Club Dorothée, Dragon Ball, la scène Nooshi, qui a été diffusée, je crois, sur la 5. Ouais, la Tulipe Noire en France. Ça s'appelait comme ça en France, la Tulipe Noire? Oui, exactement. Ah, dis donc. Rien à voir avec le film de Delon. Oui, oui, et puis rien à voir avec le titre non plus, mais bon, à part ça. Ah, mais oui, à l'époque, malheureusement. La scène, oui, en même temps, appeler un personnage. Ah, oh, ouais, ça s'appelle La scène. Bon. Ouais, c'est un peu. Ça fait un petit peu bizarre. Alors, il s'est surtout illustré aussi dans des séries de robots, hein, finalement, je l'ai dit tout à l'heure, Goldorak, Grandizer au Japon, enfin, les diverses Grandizer qui ont pu sortir au Japon. On a eu quoi comme Grandizer? On a eu Grandizer tout court. On a eu quoi? Il a fait aussi Great Massinger, c'est bien sorti en France, enfin toute première série. Oui, excuse-moi, je dis quoi? Grandizer, c'est Massinger? Oui, mais. Je confonds, attends, je confonds tout ou quoi? Non, Grandizer, si, c'est ça. UFO Grandizer, c'est Goldorak. Ah, voilà, d'accord. Massinger Z. Voilà. Getter Robo. Puis ouais. J'ai vu qu'il a fait dans le Tokusatsu Sankokai. Et puis il a aussi fait Albator 84. Ah oui, alors ça, c'est une des œuvres aussi marquantes, c'est vrai, finalement, des quarantenaires. Hein. Ça se dit pas quarantenaire en plus, je crois, si, des quarantenaires. Si, si, ça se dit, si. J'ai pas envie de le dire, moi, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est pas... bah oui, bah écoute... Ouais, il a fait pas mal. Oui, pendant 80 jours. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est une des musiques d'ailleurs qu'on ne trouve pas. Ah, bon. Non, pas mal de gens la demandent, mais enfin autour de moi me dit tiens, est-ce que tu as la musique du Tour du Monde 80 jours? C'est une musique qu'on ne trouve pas parce que c'était une coproduction. Donc je suis pas sûr. Ça a dû être peut-être sorti en série très très très limitée si c'est sorti un jour. C'est la grande question. Est-ce que la musique est sortie au Japon? Ah. Voilà, c'est une des grandes questions et on n'a pas de réponse là-dessus. J'ai vu qu'il a participé à un animé que je ne connais pas, que je découvre là sous les yeux, La Guerre des Soucoupes Volantes, ça dit quelque chose? Je crois que c'est le pilote de Grandizer. Ah oui, d'accord. Quand je vois les visuels, d'accord, oui. Oui, c'est, oui, c'est ça, je l'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est ouais, voilà. Je te le passerai si tu veux, je l'ai. D'accord. Tu le trouves sur YouTube, hein, sinon. ça s'appelle comme incitation, ça exactement. Incitation. Ouais. Bon, il est sur YouTube. Alors, bon, c'est pas notre faute. Et voilà, donc en gros, c'est un très grand compositeur qui a fait très très grand. Œuvre. Bon là, Dragon Ball, c'est ce qui a marqué, 20 ans de génération. C'est énorme, on peut dire. Ouais, quand même, hein, 20 ans. Je crois que c'est arrivé en 80, au tout début du club Dorothée. Donc ça a mis 10 ans. Donc après toutes les générations qui ont suivi ont vu Dragon Ball à la télé, que ce soit après sur manga, cartoon, puis sur les différentes chaînes qui ont été multi-rediffusées, c'est-à-dire Game One à l'époque. Je parle pas de la version Kai, hein, de la version normale. Ouais, Kai, ils ont pas réutilisé ces musiques, ça. Si, mais après parce que voilà, à la fin. Histoire avec dans les 3 derniers épisodes ou les 4 derniers, c'est ils ont remis ces musiques à la fin puisque le compositeur s'est fait virer vu qu'il reprenait des musiques. Voilà, c'est ça. Existantes. Et dommage que dans Dragon Ball Super, c'est pas repris. Malheureusement. Quoique le style est un peu meilleur, mais c'est pas gagné. Ça manque de punch. Ça manque de punch dans les combats, c'est assez bizarre. Donc il a aussi fait Cachern Sins. Je suis désolé, on a pas vraiment bien préparé l'émission. C'est pas grave. C'est une première. Et c'est une première. Et c'est comme ça. Et alors, c'est pas voilà. L'émission, c'est nous. On se prend la tête déjà, alors merci. Voilà, bon, bref, c'est pas grave. Tout ça pour dire que la musique du Kimengumi est excellente. Elle existe en 2 CD, ou ce sont des vinyles qui existent aussi, puisque les CD sont moyennement pas facilement trouvables. Pour vous dire, j'ai mis 10 ans pour trouver le deuxième OST. Oh là! Oui, il y a le premier qui est trouvable. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième par lequel je suis commencé. Et puis à Japan. À Japan Expo, il y a 3 ans, je suis tombé sur quelqu'un qui vendait plein de CD là-bas. Oh. Et oui, enfin d'un type qui a un magasin dans Paris, j'ai plus lequel, non. Et il avait le High School Kimengumi, j'en revenais pas. Et pas cher, hein, 20aine d'euros même pas. Oh là là. Alors, j'ai sauté dessus, tu me connais un peu, j'ai sauté. Oui, mais oui. Et je me suis fait bien plaisir, et là, j'ai tous les albums en CD originaux, en CD, dont un donc qui est pas très trouvable, donc du coup, celui que j'ai trouvé à Japan. Expo. Voilà. Bref, c'est ma petite histoire, encore une fois. On raconte notre vie, hein, voyez. Bien sympa, des petites anecdotes. Et donc, les musiques de High School Kimengumi, le collège foufoufou. Ouais. Ça suit bien ça accompagne bien les délires des joyeux loufoques. Ah oui, et puis bon, elles sont marquantes. La série a marqué vraiment beaucoup de gens à l'époque. Ça a été un carton dans le Club Dorothée, cette série. Malgré les coupes, malgré les diffusions un peu bizarroïdes, c'est-à-dire qu'on diffusait la moitié. D'un épisode parce que c'est 2 histoires dans un épisode parfois. Ah oui, ça oui. Oui. Donc des fois t'avais une moitié d'épisode et puis t'as l'autre partie la semaine suivante, même en après-midi, le mercredi après-midi. Ah oui, je m'en rappelle. Sans laisser plus de temps pour les chansons du groupe du club de AB Productions. Ah oui, bah oui. Voilà, bref. C'est pas grave, c'est le passé appartient au passé. Exactement. Allons vers le futur et le présent. C'est fou. Exactement, ça. C'est parti, ah, oui, c'est parti. Non, c'est la journée aujourd'hui, c'est bien. On va loin. Donc, superbe musique de Shunsuke Kikuchi, et je vous invite à les écouter tout de suite, et on se retrouve à la fin pour parler de la fin. Oui, à tout la de suite. Fin. Thank you. Voilà, Animé nos mélodies spécial humour, c'est terminé. Je remercie Yann Kouza qui a participé à ce numéro. Merci à toi. Bah, merci à toi aussi, Yota. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de ton collectif? Puisque c'est la fin, on a du temps, hein, n'est-ce pas? C'est la fin, tu fais partie donc du collectif Otaku no Pro. Tu peux un peu me parler de ce que c'est exactement que ce collectif? Alors, ce collectif réunit plein de youtubeurs qui parlent en général du manga ou du Japon. Donc on a un dessinateur, plusieurs youtubeurs qui font des reviews ou qui parlent de manga aussi bien rétro que récent, des animés, il y a un peu de hentai, ça je l'avoue. Ouais. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a un site, donc ouais. Vous pouvez retrouver chaque vidéo de chaque youtubeur de ce collectif, on est une dizaine, 11 avec toi Yota, parce que tu nous as rejoint. Donc sur le site www.otakunoprod.fr. Donc ça s'adresse du site internet. Ouais, qui réunit toutes les vidéos de chaque youtubeur qui fait partie du collectif. Et est-ce que tu peux nous rappeler comment on te retrouve sur YouTube sinon aussi? Ah bah alors, quand on tape Yakuza, on me trouve pas parce qu'il sort le mot Yakuza. Ouais. Parce que YouTube dit tu t'es trompé. Non. Alors pour me retrouver, il faut me taper Otakuza qui est mon émission fiction où je parle de manga rétro à travers un Yakuza très otaku. La mafia du manga. Voilà, la mafia du manga. Donc l'épisode 6 devrait bientôt arriver. Passez peut-être par le .fr, hein, Otaku no Prod, pour trouver directement voilà, le lien. Voilà. Donc Otakuza, mon émission fiction. Je parle aussi de drama. Je fais des petits jeux qui s'appellent Otakuza Game. Otaku. Bon, je trouve ça un peu désolé que beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde qui participe. Peut-être que je fais trop dur. Je sais pas. Bref. Donc voilà. Très bien. C'est mon ressenti. C'est pas grave, écoute, c'est comme ça, ça viendra. Et puis, en fait, le concept de la chaîne, c'est 7 boules de cristal. Enfin, j'ai repris le concept des 7 boules de cristal, donc ouais. C'est 7 émissions au total. Pour l'instant, il n'y en a que 5 connues, il n'en reste plus que 2 à faire. Mais pour l'instant, je ne peux les dire. Ah. Voilà, voilà. Eh bien, merci à toi, et on termine l'émission avec... J'ai changé un peu d'avis, je suis désolé, Yann Cousa. Ah oui, j'ai joué là comme ça. Je suis pris au dépourvu, là. Mais non, parce qu'en écoutant la chanson, quand je t'ai fait écouter tout à l'heure, parce que vous n'étiez pas là, vous, hein, messieurs, dames, les auditeurs, mais... Nous sommes en faux live. On est en faux live. Et j'ai décidé de vous faire passer une chanson qui est assez jolie, qui se nomme November Rain, qui est chantée par Akane-chan de la série Ranma 1/2, donc par Megumi Hayashibara. Ah, la grande Megumi. Comme ça, on fait un peu le lien entre Ranma 1/2 et Slayers aussi, à nouveau. Voilà, voilà. Et c'est une chanson très jolie, vous allez voir, qui commence tristement, et avec une chanson un peu mélancolique, mais très jolie dans le style de la série, tout simplement. Voilà, je vous dis au mois prochain, pratiquement, enfin en tout cas à très bientôt, et n'oubliez pas que la musique d'animé, ce n'est pas que pour les Japonais. Allez, ciao. Salut. Ciao. Salut, salut. Salut. Akane.